yeux cristallisent les larmes qui ont coulé un peu. Le gel ou la flamme, la neige ou le feu ont-ils choisi mon âme que pour me briser mieux? Faut-il comme on peut aimer de toute son âme ou bien fermer les yeux? Regonfle ma voile, vent fou et furieux, et pardonne à mon cœur mes songes amoureux. Qu'un bout de cœur, comme une sœur, je t'aime de te.